Bonjour, on m'entend là, c'est bon? Oui, il faut que je colle, oui d'accord. Bonjour, donc on vient vous présenter les nouvelles pratiques philosophiques. Et on a fondé avec Claire, il y a 10 ans justement, on fête les 10 ans, en avril-mai, on fête les 10 ans de Philolab. On a donc fondé une association pour fédérer les nouvelles pratiques philosophiques qui s'appelle Philolab. Donc Claire vous présentera un petit peu Philolab dans les grandes lignes. Moi je vais vous parler tout d'abord de qu'est-ce qu'on entend par nouvelles pratiques philosophiques. Donc la philosophie, tout le monde connaît plus ou moins en se disant, beaucoup se disent c'est quelque chose qui est compliqué, qui est réservé aux intellectuels, qu'on apprend à partir de la terminale, beaucoup n'en ont pas gardé un bon souvenir, beaucoup de lycéens attendent avec impatience de faire de la philo en terminale et beaucoup sont très déçus au bout d'un mois ou deux de cours. Donc la philo, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en même temps dans la société. On voit des philosophes à la télé, on voit plein de gens qui se revendiquent de la philo. Et en même temps, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Les nouvelles pratiques philosophiques, c'est justement faire en sorte que cette philosophie ne soit plus réservée à une élite, qu'on la fasse descendre dans la rue, qu'on fasse descendre la philo vraiment dans la rue pour le peuple, qu'on puisse penser ensemble, qu'elle ne soit plus réservée à une élite, à l'université, que ce ne soit plus un petit cercle de penseurs qui pense pour lui-même. Donc voilà l'ambition des nouvelles pratiques philosophiques. On peut dire que l'essor des nouvelles pratiques philosophiques, ça a été vraiment entre 95 et 2000, où il y a eu aussi un grand courant d'éditions, notamment dans la littérature de jeunesse, avec les goûters philo, par exemple. Donc on a fait pas mal d'éditeurs se sont intéressés aux enfants, et se sont dit, après tout, l'enfant est, avec raison, l'enfant est naturellement philosophe, puisqu'il découvre le monde, il se pose il se demande pourquoi les choses sont comme elles sont, il n'a pas les mêmes préjugés que les adultes, il n'a pas les mêmes acquis, il a cette curiosité naturelle qui fait que l'enfant, effectivement, est naturellement philosophe. Donc il y a eu ces goûters philo, il y a eu le phénomène des cafés philo avec la naissance des premiers cafés philo, Café des Phares à la Bastille. Il y a eu plein de choses comme ça, et rapidement s'est mis en place annuellement des rencontres, des nouvelles pratiques philosophiques de tous les acteurs qui commençaient à participer à ces nouvelles pratiques philosophiques. Donc ces rencontres se sont tenues dans des centres de documentation pédagogique au départ, et puis depuis 2006, on a réussi à faire en sorte qu'elles se tiennent à l'UNESCO. Donc jusqu'à de 2006 à 2014, c'était tous les ans à l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, en novembre, le troisième mercredi de novembre. Et là, tous les 2 ans. Voilà. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur les nouvelles pratiques philosophiques. Donc ce qu'on veut à tout prix, c'est que les gens se défassent de leur complexe par rapport à la philo. L'école nous a appris qu'il fallait savoir avant de parler. La société nous montre sans arrêt des experts de tout poil, des spécialistes qui ont le droit à la parole parce que ils savent, parce que ils ont Bac+5 ou je ne sais quoi. Nous, on pense que avec une authentique expérience de vie, on pense tout aussi bien, à condition qu'on cherche sincèrement. Et si on se réunit tous ensemble et qu'on forme une communauté de recherche, eh bien on va être capable effectivement de philosopher avec beaucoup d'efficacité et de sortir des choses qui valent vraiment la peine. Donc voilà un petit peu les nouvelles pratiques philosophiques. Je vais passer la parole à Claire pour qu'elle vous présente Philolab qu'on a fondé il y a 10 ans. Donc, Philolab est une association. Ouais. Donc Philolab est une association qui a été créée donc en 2006. Et qui a pour but de fédérer au niveau essentiellement francophone donc toutes les associations et tous les acteurs qui font de la philosophie autrement. Alors concrètement, c'est des ateliers philo dans les écoles, beaucoup. C'est des ateliers philo dans les médiathèques, dans les cafés. Voilà, il y a beaucoup en fait de méthodes différentes, de pratiques différentes. Et l'objectif de notre association, c'est de faire se rencontrer toutes ces personnes qui pratiquent différemment, qui ont une conception parfois de la philosophie différente, et qui donc peuvent échanger sur leurs pratiques, sur leurs méthodes, et du coup aussi diffuser ces pratiques auprès du grand public. Voilà, donc on vous invite d'ailleurs en novembre prochain à l'UNESCO, puisque ce sont des rencontres qui sont ouvertes évidemment à tout le monde et gratuites, pour découvrir ces nouvelles pratiques philosophiques. Il y a des méthodes assez différentes. Et notre objectif aujourd'hui, c'était pas de faire un cours magistral, parce que c'est pas tout à fait notre conception de l'éducation populaire, mais plutôt de vous faire expérimenter une ou deux méthodes justement qu'on utilise quand on fait des ateliers philo avec des jeunes, que ce soit dans voilà, ça peut être dans des lycées, dans des quartiers, dans des médiathèques, un peu partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer qu'en fait, il y a une grande diversité de façons d'approcher, de mettre en œuvre un atelier philo. Donc nous-mêmes, à l'intérieur de Philolab, on a des conceptions assez différentes. Il y a des gens qui sont plutôt partisans d'une très faible directivité de l'animateur, qui va s'effacer au maximum et qui va laisser les participants, qui va leur laisser vraiment les premiers rôles et qui va faire confiance, disons, un peu à une certaine spontanéité. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont penser que l'aspect philosophique sera beaucoup plus garanti si l'animateur intervient plus ou s'il présente des supports, etc. Bon, il y a une grande diversité. Donc, on va vous montrer deux façons d'animer aujourd'hui un atelier philo. Donc, c'est Claire qui va commencer et j'animerai le deuxième atelier. Voilà. Alors, on a choisi comme sujet pour vous, dans quel cas a-t-on le droit de désobéir ? Et donc, ce qu'on vous propose, un atelier philo, c'est toujours en cercle. Donc, on peut faire un cercle. Normalement, les ateliers philo ont lieu quand même en petit effectif. Hein. Là, on peut essayer de faire un cercle comme 30 personnes. Donc un vrai cercle et un beau cercle, et du coup on pourra après vous expliquer comment va se dérouler l'atelier philo. Voilà, donc un cercle, si vous voulez bien vous mettre en cercle, voilà, d'une trentaine de personnes maximum. Merci. Donc là, on va vous montrer une méthode qu'on a mis au point pour essayer, l'objectif étant d'essayer de développer un certain nombre de compétences critiques et réflexives auprès des participants. Alors évidemment, c'est un dispositif pédagogique, donc ça veut dire que c'est des ateliers philo qui ont du sens quand ils sont répétés, quand ils sont faits plusieurs fois, pour arriver à développer un certain nombre. Donc là, c'est juste vous montrer, vous faire une démonstration, une expérimentation, mais ça n'a pas de... voilà, normalement, c'est quand même un dispositif pour avoir une efficacité, pour développer des compétences réflexives et critiques qui doit être répétée. Donc, le dispositif, en fait, pour le faciliter, c'est l'objectif. Notre objectif était d'arriver à permettre l'organisation d'ateliers philo autogérés. Ça veut dire qu'on n'ait pas besoin d'un philosophe professionnel, spécialiste de la question, pour animer les ateliers philo. Donc pour ça, pour autoriser et permettre un atelier philo autogéré, on a besoin d'avoir des outils et de proposer en fait une structuration de l'atelier assez forte. Donc cette structuration, on l'a cherchée pendant pas mal de temps. Elle s'inspire des méthodes qui sont les plus communément utilisées aux États-Unis en particulier, qui sont ce qu'on appelle la méthode Lippmann, qui met beaucoup l'accent sur la réflexion et l'esprit critique, le développement de l'esprit critique. Donc ce dispositif repose sur un jeu de cartes. Donc ce dispositif repose sur un jeu de cartes et donc les participants qui vont être discutants, ouais, tu veux les montrer, les participants vont avoir un certain nombre de cartes en main et pour intervenir vont devoir intervenir avec ces cartes-là. D'accord ? Donc au départ on commence avec des cartes très simples qui sont donc la carte confirmation quand on est d'accord très simplement, la carte objection quand on n'est pas d'accord. La carte idée, donc quand on a une idée, hein, et la carte question. Et on va commencer avec ces cinq cartes-là. Donc nous, on va commencer avec seulement ces cartes-là. Après, en fait, le but est d'introduire progressivement auprès des participants en fait, des cartes supplémentaires qui vont être, par exemple, donner ou demander un exemple. Donc là aussi, c'est assez simple, mais souvent, on voit avec les adultes que, alors que les enfants sont beaucoup dans l'exemple, quand on discute, bah, les adultes, ils oublient, sont très vite au contraire dans l'abstraction, ils ont du mal à analyser précisément des exemples pour étayer leur, leurs argumentations. Ça va être aussi demander ou proposer une définition, proposer ou demander une distinction conceptuelle, etc. On va ajouter comme ça petit à petit des compétences au cours du dispositif. On a besoin dans le dispositif, comme ce n'est pas nous qui animons, on distribue des rôles. Et donc on a besoin de deux rôles principaux qui sont un président et un guide. Donc il va falloir deux volontaires. Alors le président, pour expliquer le rôle, donc le président a pour rôle de distribuer uniquement la parole. Il ne fait pas autre chose, ça veut dire qu'il n'a absolument pas le droit d'intervenir dans la discussion pour donner son avis. Il a déjà un pouvoir important qui est de choisir qui va parler, hein, de donner la parole. Donc on lui limite ce pouvoir-là et on ne lui en donne pas un autre. Donc il n'a pas le droit de donner son avis. Il va juste désigner en fait celui qui peut parler en suivant une règle assez simple qui est d'essayer de donner la parole en priorité à ceux qui ont le moins parlé. Voilà, déjà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait être ce président ? Ah, d'accord. Alors, je vais lui donner, il a une carte spéciale. Donc, il ne faudra donner la parole, monsieur, qu'aux personnes qui lèvent leur carte, d'accord ? Et qui demandent la parole en levant la carte qui est présentée, d'accord ? Maintenant, il nous faut un guide. Alors, le guide, c'est le rôle le plus important. C'est le rôle du philosophe, en fait, dans les ateliers qui sont dirigés par un animateur professionnel. Donc, c'est un rôle assez difficile à tenir, mais voilà, comme tout, ça s'apprend. Vous inquiétez pas, on aide hein, la personne avec un petit dispositif. Donc, le guide, lui, son but, c'est qu'on ne s'écarte pas de la question qu'on traite. Donc là, on va parler du sujet dans quel cas a-t-on le droit de désobéir. Bon, bah, on va pas se mettre à parler de la loi travail, par exemple, d'accord, au hasard. Donc on a un sujet, on essaye de s'y tenir et d'argumenter autour de ce sujet-là. Donc c'est le rôle du guide. Donc le guide, comme le président, il n'a pas le droit de donner la parole, il n'a pas le droit de donner son avis, mais il a le droit uniquement de poser des questions. Et en posant des questions, il n'a pas le droit de faire semblant de donner son avis. Hein. Donc voilà, il pose vraiment des questions pour juste inciter les personnes à approfondir la réflexion et à aller plus loin. Voilà. Donc pour aider le guide, en fait, on lui prépare, après il pourra se débrouiller tout seul, mais disons dans les premiers temps, on lui prépare des questions. Donc il y a une série de questions. Donc, qui reprennent des propositions, des distinctions conceptuelles, qui interrogent sur des raisons, etc., qu'il peut poser quand il veut au cours de l'atelier. Il n'est pas obligé de les poser, il pose celles qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut, quand il sent que c'est nécessaire. Sinon, il n'est pas du tout obligé de les poser. Alors, on a besoin donc d'un guide. D'un guide. Alors, il faut bien que vous vous installiez. Voilà. Vous pouvez lui faire une place juste avec... voilà. Alors, donc le guide, vous n'avez pas le droit de donner votre avis, d'accord ? Ouais, c'est très dur, hein. Et votre rôle, c'est qu'on traite tous ensemble de la question dans quel cas a-t-on le droit de désobéir ? Et pas une autre question, d'accord ? Dans quel cas a-t-on le droit de désobéir ? D'accord ? On va traiter ces sujets-là et pas un autre. Donc c'est votre mission et votre responsabilité de faire en sorte qu'on traite de ce sujet-là, et votre outil, vous n'avez pas beaucoup d'outils, hein, c'est de poser des questions. D'accord ? Vous allez pouvoir poser des questions au groupe, et pour vous aider dans ce travail-là, on vous donne des questions qu'on a préparées sur ce sujet, qui sont des demandes de distinction conceptuelle, des demandes de conséquences ou d'implication, des demandes de définition, etc., des questions qui sont écrites là. Vous n'êtes pas obligé du tout de toutes les poser. Quand vous sentez qu'on tourne en rond, quand vous sentez qu'on a besoin de vous pour approfondir la réflexion, vous cherchez quelle est la question la plus intéressante à poser au moment où vous... Et vous n'êtes le seul à pouvoir parler sans demander l'autorisation au président. D'accord. Alors, on n'en abuse pas, ok? Donc, vous avez vos droits et vos devoirs, tu peux lui donner aussi, qui sont résumés sur cette carte-là. OK ? Pour finir, merci. Bon, d'habitude, on peut rajouter d'autres rôles, un secrétaire, etc. On ne va pas trop compliquer parce qu'on commence. Mais juste pour introduire nos ateliers philo, donc on travaille beaucoup avec des jeunes. Donc, pour poser la problématique, en fait, on lit un petit dialogue. Donc, c'est un petit dialogue introductif qu'on lit, on ne le commente pas. On fait juste le lire et après on se met à discuter, d'accord, avec le président qui distribue la parole et on va vous distribuer donc des cartes déjà. Pendant ce temps-là, il me faudrait donc 4 volontaires pour lire, de préférence qu'ils soient à côté ou qu'ils se mettent à côté parce que voilà, ça va être plus simple. Donc si vous pouvez être 4 à côté là pour lire le dialogue. Ouais, là. Okay. Ben, je commence par le premier, je suis Thomas. Okay. Ryan. Ouais. Et Julie. Julie. C'est Julie. Est-ce que tu veux être Julie? Il marche, ouais. Bon bah ou alors moi dans mon truc bah, je ferais parce que normalement je suis comme un bâton de parole en fait Aïcha viendra à ma place. Voilà, et moi je m'en foutais, j'ai pris Aïcha au pif. Je préfère Aïcha. Allez-y. Moi je trouve que dans la société on valorise vachement l'obéissance. Comme si c'était bien en soi d'obéir. Il faut toujours respecter les règles. On ne valorise jamais ceux qui désobéissent. Pourtant, moi, je trouve que c'est une qualité de savoir désobéir. D'ailleurs, c'est un truc que je sais super bien faire. Tu es sérieux ? T'imagines des cours où le prof mettrait des meilleures notes à ceux qui désobéissent à ses consignes ? Ou donnerait des récompenses à ceux qui enfreignent les règles ? Ce serait complètement loufoque. Question. Julie répond, moi je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. En quoi c'est une qualité de savoir désobéir? Question. Bah, quand tu désobéis, ça prouve que tu n'es pas un mouton et que tu penses par toi-même. Et que tu n'as pas peur de ce que les autres vont penser. Tu t'assumes quoi. Tu affirmes ta liberté. Moi je suis d'accord avec Thomas. Prends l'exemple de Rosa Parks. C'était une jeune femme noire qui vivait dans le sud des États-Unis au milieu des années 50. À l'époque, les noirs et les blancs avaient des places différentes dans les bus. Un jour, Rosa Parks s'est installée à une place réservée aux blancs et a refusé de la rendre. Elle a été arrêtée pour ça. De nombreux noirs l'ont soutenue et ont boycotté la compagnie des bus pour obtenir la fin de la ségrégation. Et c'est grâce à ça que la loi, elle a fini par changer. Tout ça, c'est parce qu'à un moment, elle a refusé d'obéir. D'accord, mais t'imagines si on permet aux gens de désobéir à la loi? Je ne vois pas comment on pourrait vivre ensemble en société. Il n'y aurait même plus de loi, en fait. Chacun ferait ce qu'il veut. Ce serait l'anarchie. Julie, c'est vrai que c'est compliqué de reconnaître un droit de désobéir. C'est assez paradoxal avec l'idée même de la loi et le droit, puisque la loi et le droit, c'est justement ce à quoi on doit obéir sans discuter. Et ma question, c'est pourquoi maintenant il y a une station de RER qui s'appelle Rosa Parks. Mais en même temps, parfois les lois sont injustes et on a raison de ne pas y obéir. Au nom d'une plus haute idée de la justice, non ? Ça me fait penser à ce philosophe américain du 19e siècle, David Thoreau, qui refusait de payer ses impôts pour protester contre la politique esclavagiste des États-Unis. Il disait « Que votre vie soit un contre-frottement pour stopper la machine ». Il disait qu'il ne fallait pas participer au mal qu'on condamne. Il a pas mal inspiré Martin Luther King et tous les mouvements de désobéissance civile. Ok. En même temps, je ne suis pas sûr que tous les actes de désobéissance soient légitimes. En particulier ceux de Thomas, quand il refuse de payer son ticket de métro. Du coup, à votre avis, dans quel cas a-t-on le droit de Ce seraient quoi les critères pour distinguer une désobéissance légitime d'une désobéissance illégitime ? Il y a un autre philosophe, du XXe siècle cette fois-ci, qui s'appelle John Rawls. Lui, il pensait que la désobéissance civile ne pouvait pas être fondée sur des convictions personnelles, des intérêts de groupe ou sur ceux d'un individu. On ne peut désobéir à la loi, selon lui, qu'au nom d'une conception commune de la justice. Donc voilà, maintenant on va discuter donc de ce sujet-là. Dans quel cas a-t-on le droit de désobéir ? Donc le guide et le président, vous pouvez vous mettre là si vous voulez. Et donc c'est le président, malheureusement on a des problèmes de micro, donc ceux qui veulent parler devront lever leur carte. Et dès que le président leur aura donné la parole, en fait, ils devront venir au micro pour parler parce que sinon on ne s'entendra pas. Non, on va laisser, pardon, ce sera la personne qui parlera ici en fait. Ah oui, la personne qui parlera, ouais. Voilà. Ok, donc elle viendra là et puis voilà. Donc nous, en fait, on n'intervient pas et on vous laisse faire. Voilà, donc on met un temps, on met juste un chronomètre parce que ça va être super sympa et on risque d'y passer sinon toute la nuit. Donc on peut, donc on va essayer, je dirais, de mettre 25 minutes. Si ça vous va, voilà, on essaye pendant 25 minutes et puis donc il va y avoir un chrono que je vais mettre. Il va sonner à la moitié du temps pour que vous sachiez à peu près qu'on a, voilà, parce que quand on discute, on se rend pas forcément compte du temps qui passe et il sonnera 5 minutes avant la fin, d'accord ? Voilà, donc je vous laisse distribuer la parole en fonction de. Donc je rappelle le sujet. Hein, dans quel cas a-t-on le droit de désobéir ? Oui. Alors celui qui parle, il vient là en fait, parce qu'on peut pas, passer. Non, non, non, il faut trop compliqué. Celui qui parle, il vient là. Normalement, le micro, il devrait pouvoir tourner, mais là, on peut pas. Alors personne. Celui qui parle, il vient là. Pourquoi peut-on désobéir ? Dans quel cas a-t-on de désobéir ? A-t-on le droit ? Comme ça. Non, moi, je veux pas parler. Ah, il veut pas parler. Attends, ouais, il faut que je le. Ouais. Faut faire attention parce que. Voilà. Faut s'asseoir doucement. Bah, on pourrait penser que par exemple, on a le droit de Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Il faut parler vraiment le micro le plus contre le menton. D'accord. Vous m'entendez ? Ah, c'est bon. Ok. On pourrait penser que par exemple on a le droit de on a le droit de désobéir si c'est justement pour protéger des droits, d'autres droits déjà acquis ou pour en gagner d'autres. Enfin, je sais pas si je suis claire. Quand c'est dans une démarche de justement gagner des droits et de pas en détruire. Mais après, ça dépend ce qu'on définit comme droit. Qu'est-ce qui fait ? qu'est-ce qui fait qu'on obéit à certaines personnes et pas à d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'on obéit à certaines personnes et pas à d'autres? Il y a deux choses qui peuvent faire qu'on va obéir à une personne et pas à une autre. Il y a une notion d'autorité, donc qui peut soit être une personne qui va être choisie, qui va être élue. Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose qui pourrait être considéré comme légitime. Et après, il y a aussi des cas où il y a une obéissance qui est imposée. Donc là, c'est plus une idée de dictature, en fait, d'autoritarisme. Question. Attends, t'en vas pas. Petite. Ah, d'accord. Alors, pour faire suite, ma question serait et pourquoi et si la personne qui a cette autorité, qui a été élue ou quoi que ce soit, ce qu'elle propose ou ce qu'elle dit est à l'encontre de la morale? Est-ce qu'on doit désobéir à cette personne-là, sachant que ce qu'elle propose est illégitime ou quoi que ce soit? C'est une question fermée, mais on peut l'ouvrir dans la réponse. Bah en fait, je trouve l'idée de la morale plutôt bien jouée, en fait. Je pense l'idée de la morale plutôt bien jouée. Effectivement, même s'il y a légitimité par rapport à certains gouvernements, comme on a pu le voir sur la collaboration, oui, dénonce les gens, fait les tuer, youhou. Là, effectivement, d'un point de vue moral, c'est pas bien. Et donc, effectivement, je pense que l'être humain, d'un point de vue moral et d'honnêteté envers soi-même comme envers le reste des personnes, se doit de refuser d'accéder à certaines demandes, en fait. Attends, une question. Qu'est-ce qui fait dire que l'obéissance est une qualité? Qu'est-ce qui fait dire que l'obéissance est une qualité, en particulier chez les enfants? Non, tu peux repartir, ouais, effectivement. Ouais. C'est quoi la question? Qu'est-ce qui fait dire que l'obéissance est une qualité, en particulier chez les enfants? Qu'est-ce qui fait dire que l'obéissance est une qualité? Ben moi, je pense que l'obéissance est une qualité chez les enfants, parce que en général, quand les enfants ils obéissent, ils obéissent à leurs parents. Et ils pensent que c'est les parents qui les donneront, qui les donnent des ordres qui sont bien pour eux, en fait. Donc du coup, ils obéissent. Et aussi dans la société. Et lorsqu'une personne n'obéit pas, c'est parce qu'il pense que... Lorsqu'une personne n'obéit pas, c'est parce qu'il pense que la chose qu'on lui dit n'est pas légitime, en fait. Je sais pas si c'était ça la question. Avec tout ce que j'entends là, je pense que l'idée d'obéissance, ça revient à l'idée de cadre, en fait. Quand on obéit à des cadres, soit posés par la morale, soit posés par ses parents, soit posés par des règles esthétiques. En art, on peut obéir à certains codes, et si on transgresse ces codes, ça fait autre chose. Pardon. Et donc, l'idée, c'est donc, quand est-ce qu'on peut sortir des cadres qui nous sont imposés? Est-ce que c'est bien? Je pense que plutôt que réfléchir en tant que faut-il obéir ou pas, c'est quels sont les cadres qu'on nous donne et est-ce qu'on peut en sortir? Et après, si on part de l'idée de la morale, ça devient vachement abstrait, parce que qu'est-ce qui est moralement acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, on tombe dans un autre sujet complètement. Quand on obéit, renonce-t-on toujours à sa liberté? un peu la même question que j'avais, donc je viens pas pour y répondre à ta question, mais pour la poser, c'est dans quel cas a-t-on le droit d'obéir ? Ouais, et eh ben je désobéis. Ta question, c'était quoi exactement ? Tu peux la répéter ? Quand on obéit, renonce-t-on toujours à sa liberté ? Pour moi, ça dépend. Quand je trouve que la proposition qui est faite, la suggestion, si une personne me demande, s'il te plaît, fais ça, parce qu'il y a besoin de le faire, et je considère que c'est une nécessité de le faire, je veux obéir. Je désobéirai à cette situation-là, je serai un révolté inutile. Alors que si j'obéis à ça, alors que ça va mener à une construction, à un cheminement pour arriver à un point, ben, on a tout intérêt à obéir dans ce cas-là. Et après, on peut toujours donner son avis, mais désobéir à quelque chose qui correspond à une idée plutôt commune, à laquelle on n'a pas pensé, par exemple, c'est pas supprimer sa liberté. Donc c'est pas toujours, à mon avis, un manque de liberté d'obéir. Est-ce qu'on est toujours conscient de la justice, en tout cas, ou de la justesse, en tout cas, de la demande à laquelle on obéit. Est-ce qu'on en est toujours conscient des conséquences ? Non, je pense que non, parce que l'obéissance... On n'entend pas. Il faut le mettre vraiment au problème. Voilà. Non, je pense que non, parce que l'obéissance elle-même, c'est une imposition. Nous, on obéit nos parents depuis le petit jeune âge, mais ce n'est pas parce qu'on obéit que les choses que nos parents nous demandent d'obéir, elles sont bonnes. L'exemple que je vous donne est que depuis le petit jeune âge, nos parents nous amenaient à l'église, ce n'est pas pour ça qu'on obéit. On obéit nos parents pour aller à l'église avec eux, mais à la fin, c'est pas pour ça qu'on devrait des chrétiens ou qu'on adhère à cette église-là. Je sais pas si j'ai tout suivi. Je pensais particulièrement à des situations bien précises. Je l'ai encore vécu, il y a pas de... La question, pas d'avis. Moi, j'ai une question, en fait, parce que... Prêt. Ah. Contre le menton, le micro. Contre le menton. Contre le menton. On m'entend bien ? Faut que ça touche. Oui, donc ma question, c'est déjà, avant de répondre à la question de peut-on désobéir ou obéir, à qui désobéit-on ou à qui obéit-on ? Est-ce que ce ne serait pas la question déjà premier, dans la mesure où est-ce qu'il y a une réponse absolue à une question floue comme ça ? Enfin, voilà, moi, c'est la question que je me pose. Voilà, tout simplement. Enfin, est-ce que le... Ouais, la question du cadre, à qui obéit-on, à qui désobéit-on, ça change la réponse quand même. Et à quoi, enfin voilà. Et dans ces cas-là, ça me donne l'idée aussi de, finalement, si on obéit ou si on désobéit, c'est qu'il y a il y a peut-être une idée de hiérarchie, donc quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Et du coup, est-ce que ça ramène pas à la question de faire ensemble quelque chose ? Donc, est-ce que dans ce cadre-là, la question d'obéissance ou de désobéissance, elle se poserait en fait, tout simplement. Enfin voilà. Bonjour. Moi, je dis qu'il faut savoir comment on va obéir à quelque chose, ou bien à une loi. Il faut savoir obéir. Si on désobéit à quelque chose, ça veut dire qu'il faut assumer des conséquences. C'est tout ce que je voudrais dire. Si. Ouais. De parler bien dans le centre, ouais. Alors, on me dit qu'il faut vous dire qu'il faut parler bien dans le centre du micro et très près du micro et d'une voix assez forte. Sinon, effectivement, les gens de l'autre côté n'entendent pas. Et est-ce que l'obéissance est une soumission ? C'est ma question. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Est-ce que tu peux répéter la question ? Parce que je... Alors, moi, je dirais la désobéissance, c'est l'antirouille de la vie. Et je dirais que la désobéissance n'est pas... désobéir, pour moi, ça doit être quelque chose de... Comment dirais-je ? De naturel. C'est-à-dire que quand tu as une injonction ou un ordre quelconque, tu dois te poser toujours la question de savoir où est-ce que je vais en obéissant. Et ça te permet de garder ton libre arbitre. Et toujours, toujours, toujours, toujours, toujours présent, le libre arbitre. Donc la question d'obéissance en tant que erreur, autant que bien fondée, ne se pose pas de manière aussi... je vais dire manichéenne, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas, il faut toujours garder son libre arbitre, plutôt que de parler d'obéissance ou de désobéissance. C'est juste mon point de vue, hein, je ne me pose pas. Hein. Est-ce que tu peux me donner des exemples précis ? Donner des exemples de désobéissance. Ouais, par exemple, peut-être on travaille tous. Où on étudie et parfois on reçoit des ordres et des injonctions, des ordres ou des injonctions, ça dépend, des ordres, ça peut être au travail ou fais ci, fais ça. On doit toujours se poser la question, où est-ce que je vais si j'obéis? C'est comme le CRS dans la manif. S'il réfléchissait, je pense qu'il gazerait beaucoup moins, il taperait beaucoup moins, il avancerait beaucoup moins à reculons d'ailleurs aussi. Et enfin, voilà, je crois que le CRS est aujourd'hui l'un des, pour moi aujourd'hui, instantanément depuis le souvenir le plus récent étant hier, s'il réfléchissait aux ordres à tous les niveaux, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes et on pourrait beaucoup mieux peut-être discuter. Parce que dans une injonction, si tu arrives avec des arguments parce que tu as réfléchi, tu peux amener aussi ta pierre à l'édifice. C'est-à-dire que peut-être que l'ordre qu'on t'a donné est sûrement bien fondé, mais peut-être qu'il y a des choses à améliorer, des petites choses à ajouter, à retirer, ce qui fait que l'ordre et l'injonction deviennent, on va dire, acceptables. Donc c'est aussi une affaire de consensus. Il reste 10 minutes. Et l'obéissance implique des conséquences, mais la désobéissance aussi. Et quand on désobéit, on peut avoir peur de désobéir. Est-ce que la peur n'est pas un frein à la désobéissance ? Bonjour. Ok. Moi, je pense, dans ce monde d'austérité, les jeunes, c'est à vous d'identifier c'est où le problème dans le tuyau. Je pose une question à vous. Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire? Est-ce que vous êtes tous locataires? Vous parlez français? Ok. Lève les mains si vous êtes locataire. Ok. C'est ça où il faut attaquer. Les prix immobiliers, ils ont monté à peu près 10 fois en 20 ans. Ça, c'est pas normal quand le prix du pain et jambon et café n'a pas touché. Je suis désolé, mais bon, je pars, mais ça c'est... Et si vous voulez résoudre le problème ici, c'est tout basé sur ça. Ok, excusez-moi de vous interrompre. que se passerait-il si tout le monde obéissait à tout aveuglément? Si tout le monde obéissait à tout, des gens en profiteraient parce que des gens obéissent à leurs instincts et donc forcément il y aurait des gens plus malins qui prendraient tout de suite l'avantage sur la situation. Après tu parlais des conséquences de la désobéissance, je pense que ce que voulait dire le monsieur c'est qu'il ne faut pas forcément aller toujours au bout de ce qu'on... Enfin, c'est juste une réflexion la désobéissance, c'est juste se dire si je vais par là, qu'est-ce que ça va amener? Et après, si vraiment, si on pense que les conséquences sont, si le jeu envoie la chandelle, on peut effectivement désobéir et arriver à et affronter les conséquences de cette désobéissance. Mais on n'est pas obligé. C'est juste un système de pensée. Juste se dire, qu'est-ce qui se passerait si, aujourd'hui j'allais pas au travail, si je rendais pas ce devoir à l'heure, si et ça permet de d'avoir un sens critique et un libre arbitre comme disait. Voilà. N'avez-vous pas l'impression qu'aujourd'hui tout le monde obéit aveuglément à des lois qui sont ce qu'elles sont, auxquelles on n'a pas forcément réfléchi, mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'impression que tout le monde obéit aveuglément? J'ai l'impression qu'ici, non. Mais donc du coup, tout le monde ne désobéit. Enfin, oui, tout le monde n'obéit pas aveuglément. Mais moi, j'ai un problème avec cette notion de aveuglément parce que je trouve que c'est quand même très connoté en fait. Donc voilà. Enfin, pour répondre déjà à ce point-là. Ensuite, sur l'idée d'obéir ou de désobéir, par exemple, il y a une personne qui est venue et qui est intervenue et qui n'était pas dans le thème. Et finalement, ça nous a c'est un peu contrariant dans la mesure où on est dans un cadre où on définit des règles justement. Et là, il y a une personne. Est-ce que c'est de la désobéissance ou est-ce que c'est de la... Enfin, peu importe. Mais et finalement, la question d'obéissance, elle n'est pas venue pour structurer quelque chose. Mais quand la structure est trop rigide et qu'elle correspond plus aux acteurs en fait, aux personnes, c'est là où il y a le besoin de désobéissance. Et enfin, ça me revient à ma question de à qui désobéit-on, à quoi, pourquoi. Enfin, voilà. Tout ça, c'est tout. C'est comme là, par exemple, pour cette expérimentation, on nous a proposé de nous mettre en cercle. On a obéi à nous mettre en cercle pour que la séance se déroule pour le mieux possible. Donc là, ça valait peut-être la peine d'obéir. On n'aurait pas obéi, ce serait peut-être le vacarme. Donc j'en sais rien. Ouais, on en revient donc à cette histoire de cadre et de choses qui nous sont imposées. Et je pense que si les cadres ne nous conviennent pas, on n'a qu'à dire, moi je sors du cadre, je m'en fiche. Et puis quand on sera assez à sortir du cadre, les choses changeront et le cadre va s'élargir et va nous convenir mieux. Quand Godard a dit, moi je m'en fous du cinéma, je veux pas faire du cinéma à la papa, je sors du cadre, il a fait à bout de souffle et puis finalement il y a eu la nouvelle vague. Il y a Truffaut qui est arrivé, il y a Rivette qui est arrivé. Tout ça sont arrivés, ça a changé les choses. Et maintenant la nouvelle vague elle est partout, ça se ressent dans tout le cinéma international. En politique ça peut être pareil. Les arts c'est très fréquent parce que voilà, il y a toujours des écoles qui naissent, mais en politique ça peut être pareil, socialement ça peut être pareil, démographiquement ça peut être pareil. Si les gens, s'il y a assez de gens qui sortent du cadre et qui disent non, moi j'en ai marre, ça change. Voilà. Peut-être pour rebondir sur la question que tu posais ou celle que je posais sur quand doit-on obéir. Je pense que finalement, il y a une seule personne à qui on obéit, c'est nous-mêmes. Et c'est à ce qu'on pense des ordres qu'on nous donne, est-ce qu'on les trouve légitimes ou pas. Et quelque part, il n'y a jamais de désobéissance pure. C'est-à-dire que même quand on désobéit à quelqu'un, c'est pour obéir à quelqu'un d'autre, qui peut être nous. Oui, bonjour. Simplement, il me semble que au cœur de cette idée d'obéissance, en fait, il y a la notion d'engagement, peut-être. Et quand on est en société, quand on vise en société et qu'on s'engage dans quelque chose, on peut pas se permettre de revenir en arrière ou d'aller dans un autre sens comme on le souhaite nécessairement. À partir du moment où on a souscrit à quelque chose au préalable. Et bon, aujourd'hui, on n'a pas forcément tous dit oui au monde dans lequel on est, à la société dans laquelle on est, mais peut-être que si on s'engageait tous, ça pourrait peut-être mieux structurer les choses et rendre peut-être cette idée d'obéissance plus simple à envisager. Quand tu dis on obéit à nous-mêmes, etc., je suis assez d'accord. Sauf que ça me rappelle il me semble qu'il y a un courant de pensée qui s'appelle les structuralistes, je suis pas maître du sujet, mais qui disent que en fait on est formaté par tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on connaît dans notre vie et déterministe. OK, d'accord. Ouais. Mais en gros, on est fait de plein de choses, de plein d'expériences et ce qu'on décide et ce à quoi on va obéir, même si c'est à nous-mêmes, ça va être déterminé par d'autres choses qui sont arrivées avant ou qui nous arrivent tout le temps. Et quelqu'un va, toi, tu vas avoir l'idée de pas faire ça parce que tu connais que ça se passe, enfin parce que tu sais que ça se passe comme ça, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu les, qui n'a pas eu les mêmes expériences, qui n'a pas les mêmes savoirs, ne va même pas avoir idée de désobéir parce qu'il n'est pas au courant de la situation. Donc c'est aussi un peu, c'est différent pour chacun en fait, cette idée de obéir à nous-mêmes. Je pense qu'il reste 2-3 minutes là. Je reviens à une question de tout à l'heure, en fait. Est-on toujours conscient de ce qu'on fait et pourquoi on le fait ? Je ne vais pas répondre à cette question-là. Je vais parler d'obéir, pas obéir. Ici. D'accord. Bien au centre, prêt. Alors... La question obéir ou ne pas ou désobéir, c'est un petit peu c'est subjectif et parfois c'est pas aussi important que ça d'obéir ou pas obéir. C'est des petites choses qui comptent pas, qui n'ont pas d'importance dans la vie, mais qui font le quotidien. Ça me fait penser à mentir, ne pas mentir. C'est-à-dire, il y a des sujets sur lesquels, qui sont importants, sur lesquels on peut réfléchir et on peut décider de désobéir, mais ensemble. Mais il y a des petites choses de la vie quotidienne qu'on peut décider tout seul par pragmatisme ou par moralité. Donc... C'est un sujet, si vous voulez, philosophique. C'est pas aussi simple de trancher et de dire voilà, dans telle situation j'obéis, dans telle situation je ne veux pas obéir. Et si dans ce contexte-là, on peut par exemple être d'accord sur certains sujets de désobéissance, on peut se mettre d'accord pour constituer une force, pour changer les choses. Voilà, j'arrête là. Pour revenir à ta question, si on a toujours conscience ou pas, c'est ça ? Ouais. Je crois que c'est en fonction de notre capacité à écouter sa conscience. La conscience, c'est la voix du silence. Et quand on sait l'écouter, on va savoir si obéir va être bien ou mal, si ça va être mieux de désobéir ou pas. On le sait, après, c'est une question de ressenti, à mon avis. Donc, a-t-on toujours conscience ? Ça dépend. Ça dépend si on est présent. Si on est présent au niveau de la raison ou pas. Dernière. Je réponds à ta question. En fait, c'est pas une question de ressentir. C'est une question de discernement. Voilà, c'est ça. Et ma question, c'est est-ce que obéir, c'est en lien avec la discipline ou pas? À partir de quel âge on obéit? À partir de quel âge on n'obéit pas? Ouais, juste pour très rapidement pour répondre à ta question, si vous connaissez les expériences de Stanley Milgram ou encore Hannah Arendt, tout ça, les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils font du mal. Et chez Stanley Milgram, par exemple, il les a mis en face de, enfin, il faisait souffrir des gens. Enfin, c'est assez compliqué. Regardez, j'ai pas le temps d'expliquer là. Mais les gens sortaient de l'expérience et n'avaient pas conscience qu'ils avaient fait du mal, qu'ils avaient obéi aveuglément, en fait. Voilà. Juste, voilà. Aveuglément. Voilà, bon, c'est toujours un peu arbitraire, la fin d'un atelier philo, donc bon, voilà, ça se termine juste. Alors, on termine toujours... l'objectif, déjà, c'était de vous montrer que un atelier philo, ça s'autogère très bien, hein, pas besoin de nous, la preuve. Alors, on fait toujours un petit bilan à la fin, en particulier sur les rôles qui ont été tenus et la manière, justement, dont les règles ont été respectées ou non, et pourquoi. Donc, juste, on fait un tout petit débrief sur les rôles, les deux rôles principaux, notre président et notre guide. Donc, on va commencer par notre président, monsieur. Comment vous avez vécu votre rôle de président? Comment c'était? Est-ce que c'était difficile? Non, j'ai pas beaucoup souffert. C'était ultra simple, mais un président, c'est nécessaire. Parce qu'on n'a pas eu de problème, en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de prises de parole mélangées. Mais si plusieurs personnes avaient voulu parler en même temps, j'aurais pu faire un certain ordre des choses. Vous étiez nécessaire? Oui. Bon, un président est nécessaire, bon. D'accord. Est-ce que vous avez des remarques sur le guide, sur la manière dont le guide a tenu son rôle, le président d'abord, a tenu son rôle? Non, pas de remarques. Bon, alors on va passer au guide. Alors, vous avez ressenti comment votre rôle? Ah bah c'est très très intéressant, très passionnant, mais en même temps c'est très frustrant parce qu'évidemment moi je peux pas donner mon avis, alors c'est beau et j'aimerais bien le donner, mais bon non c'est passionnant quoi, c'est moi ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que vous trouvez qu'il a bien tenu son rôle et pourquoi? Faut nous expliquer pourquoi. Alors, je te félicite, vraiment, tu es quelqu'un de très intelligent, voilà, et c'est pour cela que j'ai dit que tu as bien tenu ton rôle. Mais en fait, j'aurais pu désobéir, hein. Et donner mon avis. Et donc, mon avis, moi, simplement, en deux secondes, c'est simplement qu'on est dans une dictature fasciste actuellement, et que douce, subtile, on la sent à peine, mais qui rend tout le monde malheureux. Voilà, ça c'est mon ressenti. Et moi, je désobéis à tout ce qui ne me convient pas. Les passages pour piétons, les feux rouges, les tout. Je ne paye pas d'impôts, je ne paye plus rien, j'ai un centime dans la poche et je n'en veux pas plus. Donc, on est heureux que vous ayez super bien obéi aux règles exceptionnellement dans ce cadre-là. Parce que le rôle du guide est central. C'est vraiment lui qui porte l'atelier, qui fait que l'atelier est intéressant ou pas, qui fait que la discussion arrive à rester dans le sujet ou pas, etc. Donc c'est vraiment très important. Un dernier mot sur en tant que participant, est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire des remarques sur le cadre qui a été proposé ou sur la dynamique de l'atelier? En fait, lors de l'explication, moi j'avais l'impression que les questions c'était plus pour relancer ou pour revenir sur la dynamique si on s'écartait, et il m'a semblé qu'on s'est pas vraiment écarté à part quelqu'un qui avait envie de parler d'immobilier. Mais qu'en revanche, parfois, des gens avaient envie d'amener une question ou une problématique de la désobéissance et que le guide repartait sur les petites questions des papiers et qu'en fait, on n'arrivait pas à partir sur les idées que les gens ont essayé d'apporter. C'est un équilibre extrêmement difficile, le guide, parce qu'il peut complètement... Il y a certains guides, ils vont se taire pendant quasiment tout l'atelier en ayant l'impression que, en fait, la discussion n'a pas besoin d'eux parce que chacun apporte assez de contenu, assez de... D'autres vont avoir l'impression qu'il faut poser souvent des questions parce qu'on leur donne un rôle et donc ils veulent être utiles aussi. Donc, mécaniquement, ils vont... Voilà. Donc, c'est... Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un dispositif pédagogique, c'est-à-dire qu'on apprend à chaque atelier à... Voilà, le guide apprend, tout le monde apprend, les discutants aussi apprennent au fur et à mesure à calibrer en fonction des participants aussi. Moi, j'avais oublié de dire qu'en tant que président, je n'avais pas le droit de parler. Et comme j'ai l'occasion de reprendre le micro, je voulais dire que ce qui nous occupe ici, c'est une sorte de désobéissance particulière. C'est la désobéissance civile, je parle de nuit debout. Et que cette désobéissance civile, elle a été portée au nu par Martin Luther King, que par la désobéissance, il a obtenu beaucoup, et que nous aussi, sans violence, sans affrontement avec la police, parce que quand la police nous affronte, bon, je comprends que c'est le bordel, mais nous, on n'a pas à l'affronter, la police. On peut se défendre, bien sûr, quand on nous attaque, mais c'est pas tellement intéressant, parce qu'en fait, on est plus malin que ça. C'est-à-dire que quand la police dit qu'il faut bouger, on n'a qu'à bouger. Et on revient 5 minutes après. Je rappelle les manifestations des médecins dans les années 80. Les étudiants en médecine, ils manifestaient en courant, les CRS se mettaient à un endroit pour les arrêter, hop, ils tournaient à droite. Ils se remettaient à un autre endroit, hop, ils tournaient à gauche. Ils manifestaient en courant. Nous, on manifeste pacifiquement. Donc, les policiers, ils sont humains. Ça, merci beaucoup pour votre intervention. C'est toujours le cas. Le président, il guide. À la fin, il faut toujours qu'il donne leur avis parce que c'est trop frustrant. Voilà. Donc, c'est très bien de leur laisser aussi cette occasion. Je termine par une petite citation de John Rawls. Ceux qui veulent avoir quelques textes de philo pour prolonger la réflexion sur la désobéissance civile, ils peuvent aller sur la page Facebook de Philolab, on les mettra tout à l'heure. Donc PHILOLAB, Philolab. Et je vous cite juste ce petit extrait de Théorie de la justice de John Rawls. La désobéissance civile exprime la désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi. La loi est enfreinte, mais la fidélité à la loi est exprimée par la nature publique et non violente de l'acte, par le fait qu'on est prêt à assumer les conséquences légales. Le fait d'être ouvert et non violent garantit notre sincérité. Car il n'est pas facile de convaincre quelqu'un d'autre que nos actes sont dictés par notre conscience, ni même d'en être certain devant nous-mêmes. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire vivre un deuxième atelier. Vous pouvez rester en cercle, hein. D'autres personnes peuvent s'adjoindre au cercle. C'est même, de toute façon, moi je procède aussi, je fais mettre aussi les participants en cercle. Alors moi je n'ai pas de carte, en général j'ai un bâton de parole, et quand c'est un micro, bah, c'est le micro qui est le bâton de parole. Malheureusement ici, il ne va pas pouvoir circuler, puisque le micro sans fil n'a pas assez de portée. C'est-à-dire quand il est là-bas, il ne fonctionne plus. Donc... on va faire une entorse donc au petit rituel que je fais d'habitude, c'est-à-dire que au lieu que ce soit le bâton de parole qui circule dans le cercle, eh bien c'est la personne qui veut parler, on va faire comme tout à l'heure, qui va venir prendre ma place. Voilà. J'aimerais bien que là il n'y ait plus de trous, là, si c'est possible, qu'il y ait des gens qui veuillent bien s'asseoir pour prendre part à la discussion. C'est pas une obligation, hein, mais voilà. Merci. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir. Je vais juste vous donner un mot. Moi, j'aime bien partir d'un seul mot. C'est pas une... Parce qu'on m'avait dit que je pourrais prolonger jusqu'à 18h30. 18h30 ? Ouais. 18h30, ouais. Okay. Donc on va avoir 20 minutes là. Bon, ça suffit hein, pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est. On va partir d'un mot tout simple, quelque chose qui est totalement universel et qui est la recherche, je crois bien, de tout homme, c'est le bonheur. Donc, qu'est-ce que le dit simplement le bonheur? Je vous laisse un petit temps pour vous plonger un petit peu en vous intérieurement, pour être à l'écoute un petit peu de ce qui monte quand vous pensez à ce mot bonheur. Et puis après, ben je vais donc c'est moi qui vais distribuer la parole. Moi, je vais pas donner mon avis. Je vais juste distribuer la parole et vous inviter donc. Vous faites un petit signe et je vous inviterai à venir à ma place pour dire ce que le mot bonheur évoque chez vous à ce moment précis. Voilà. Donc un petit temps, allez, 30 secondes. 30 secondes de plongée intérieure pour vraiment méditer sur ce mot bonheur, sur cette idée, sur ce concept, sur tout ce que toutes les hymnes naîtront en vous. Et puis après, ben, j'attends vos interventions. Alors, qui est-ce qui veut commencer? C'est toujours difficile de commencer. Ben, le bonheur, ça évoque quoi pour vous? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que un régime politique doit essayer de concourir à ce que chacun trouve le bonheur? Il y a plein de questions qui peuvent se poser là-dessus. Justement, c'est très ouvert. Je pose pas de questions pour pas fermer le débat. C'est extrêmement ouvert. Donc, voilà. Qui est-ce qui veut parler du bonheur pour commencer? Je vais être très bref, je le féminiserai et je dirais peut-être que son étymologie c'est une bonne heure. Une bonne heure, oui, tout à fait. J'aime pas parler de la peur. Très bref également, est-ce que très précis, sinon les gens comprennent pas. Voilà, est-ce que le bonheur n'est pas l'absence de malheur, premièrement? Et ce moment où les pensées arrêtent de tourner et où on prend conscience de ce qui est autour de nous. Alors si tout le monde n'a pas entendu, je répète, c'est est-ce que le bonheur n'est pas absence de malheur? Et est-ce que c'est le moment où les pensées arrêtent de tourner? Et où on prend conscience de simplement ce qui est autour de nous. Je réponds à ta question. Tu dis le bonheur, le mot étymologie, le bonheur, c'est le bonheur. Mais avant, c'est quoi? C'est bonheur. Ça veut dire qu'il y a du bon. Et l'or, t'es dans l'or, t'es bien. Voilà. Monsieur? Bonjour. Parlez très près du micro et bien au centre. D'accord. Bonjour, je m'appelle Eric. Moi, le bonheur, en tout cas, je vais parler comme mon nom. C'est déjà un état. C'est un état de non-souffrance. C'est un état de non-douleur. Donc, ce que j'entends par douleur, c'est la douleur physique, et par souffrance, la souffrance mentale. Quelquefois, les deux sont liés. Mais le bonheur, en général, c'est, je crois que c'est quelque chose qui est produit par des actes, par une intention vers les autres ou vers quelque chose, et dont j'ai le retour. Parce que je crois qu'en fait la liaison entre le monde extérieur et le monde intérieur qui peut être mes désirs, ce que j'imagine de plus beau, ce que je voudrais vivre dans le futur, la conception de l'avenir, tout ça. Donc ce lien entre l'extérieur et l'intérieur, c'est le corps. Et c'est le corps qui va tout enregistrer, en fait, qui enregistre tout. Il enregistre le bien-être, le bonheur, mais aussi la souffrance. Et excusez-moi, je vous dis un petit peu tout comme ça, comme ça me vient. Et donc l'idée, c'est de produire, je pense, c'est de produire des états de bonheur comme ça, dans la vie, dans le quotidien, dans le plus possible, pour nous remplir en fait. C'est ce qui nous remplit le bonheur, je crois. Et qui est lié à ma cohérence, c'est-à-dire ma capacité de penser, de sentir et d'agir dans une certaine direction. Et donc direction dit avenir, dit une image du futur vers laquelle je cherche à me rapprocher. Et plus je me rapproche de cette image, plus je sens cette image. Je sens si elle me correspond ou pas. Et c'est ce qui me permet de pouvoir corriger si je suis dans une bonne direction ou pas. Et le bonheur vis-à-vis des autres. Moi, je pense que cette cohérence, elle suffit pas elle ne suffit pas. Je pense qu'on vit dans un monde d'êtres humains. On est tous sur le même bateau, on est tous sur la même planète. Et ce que je veux dire, c'est que le bonheur, je vais le trouver aussi dans les relations, et je crois surtout dans les relations. C'est-à-dire dans la façon de comment je vais traiter les autres et comment je vais être traité par les autres. Et voilà. Et donc l'idée, pour moi, à mon sens, pour finir, c'est d'arriver à traiter les autres comme j'ai envie d'être traité. À partir de ce moment-là, j'ai un registre de ce que je fais, de mes actes, et un retour. Voilà. Donc c'est le thème de la contradiction et de l'unité. Quand je suis en contradiction, je souffre. Et là, c'est pas le bonheur. Et quand je vis en état d'unité, là, je me sens autrement et je me sens heureux. Après, ça garantit pas la durée. C'est vraiment un travail, je crois. Merci. Merci. Bonjour. Oui, comme ça va. Bon, il était remarqué que dans bonheur, il y a bon. Il y a heure, c'est-à-dire qu'il y a temps. Je crois très important cette dimension du temps et des temps aussi. Je pense que le bonheur, c'est la réalisation sans garantie, sans continuité, forcément, de possibilités du temps intérieur et du temps social, de façon inséparable. Comme vous l'avez dit, à mon avis, il ne saurait y avoir de bonheur individuel durable. Par contre, il ne saurait y avoir de bonheur en relation avec les autres qui n'implique pas une habitation de soi apaisée, consciente, etc. Voilà. Donc, il y a une dimension politique du bonheur de ce point de vue. Il s'agit d'aboutir à créer du temps vivable et bleu. Non pas à garantir le bonheur de tous, c'est impossible, mais garantir un espace social qui offre de multiples possibilités de bonheur, une infinité de possibilités de bonheur possibles. Après, à chacun de se dépatouiller, normalement, ça marcherait, ça devrait marcher dans la plupart des cas. Quant à la souffrance, bon, ça a l'avantage de donner un contenu positif au bonheur, et pas seulement négatif, c'est-à-dire une absence de souffrance, cela dit. Dans la souffrance, physique ou mentale, l'accompagnement est majeur. Bon, ça ne fera pas un bonheur, mais ça fera, en tout cas, une sacrée consolation. Voilà. Merci. Monsieur ? Je pose aussi une question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais quel rapport il y a entre le plaisir et le bonheur? Moi, je voulais juste ajouter une chose, parce que vous avez dit, monsieur, qu'il y a plusieurs déclinaisons du bonheur. Et il y a Victor Hugo. Enfin, moi, j'ai une phrase en tête de Victor Hugo qui dit le bonheur. Enfin, ouais, qui parle de la mélancolie et qui dit que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et du coup, je trouve que voilà, c'est aussi on peut être heureux d'être triste. Enfin, on peut y trouver une source de bonheur. C'est je pense que c'est ce qu'il a voulu dire dans ses propos. Et voilà, c'est juste ce que je voulais apporter à la discussion. Je sais pas pourquoi là, il me revient des paroles de Renaud qui dit on reconnaît le bonheur au boucan qu'il fait quand il se barre, un truc comme ça. C'est marrant. Qui est-ce qui voulait parler? Madame. Oui, moi, c'était à un moment donné en rapport aussi avec ce qu'a dit la personne il y a trois tours avant. Enfin, pour moi, le bonheur, c'est effectivement une relation entre la prise de conscience de ses valeurs, de ce qui est important dans son existence, et d'arriver à le mettre en harmonie dans son rapport aux autres, d'arriver à construire finalement un peu sa vie, de travailler sur soi et de sentir que on avance, c'est possible. Et ça peut passer par des moments de souffrance. La souffrance, elle peut être constructive, donc elle n'est pas forcément exclue de nos vies. On sait qu'elle va nous rattraper tôt ou tard, mais le bonheur, c'est qu'elle c'est un temps plus long et qui parfois aussi intègre des moments, des instants présents, heureux, mais qu'on est dans plus quelque chose qui est relié à la philosophie et le rapport de soi aux autres et l'harmonie entre sa construction interne et ce qu'on en fait dans sa vie avec les autres. Merci. Moi, je voudrais dire que j'étudie le marketing. Donc, je sais qu'entre le plaisir et le bonheur, il y a quand même... Ouais, voilà. Donc je vais dire que le plaisir, c'est quelque chose. Je sais que dans le marketing, il est possible de créer du plaisir pour quelqu'un. Oui, c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est une chose qui est faite. C'est une chose donc qui est dans notre cerveau. C'est un neurone qui nous donne du plaisir et bon, c'est une composante du bonheur. Moi, je voudrais dire, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur et il n'y a pas de malheur sans bonheur aussi. Je pense qu'on ne peut pas être heureux si on n'a jamais connu le bonheur et vice-versa. Voilà. Donc, une construction par opposition, bonheur, malheur. Qui est-ce qui veut... Monsieur. Ouais, simplement, pour être bref, il me semble que le bonheur, en fait, c'est peut-être un fantasme après lequel on court sans finalement jamais l'atteindre, en tout cas sans jamais prendre conscience qu'on est heureux. Et finalement, c'est peut-être, ça s'inscrit peut-être dans l'instant, dans le présent, et plutôt que dans le futur et dans la poursuite d'un bonheur qui est plutôt potentiel que vraiment en acte. Donc peut-être qu'il faudrait penser à prendre conscience du bonheur immédiat et du bonheur en puissance. Merci. Madame. Bonjour à tous. Alors pour moi, le bonheur, c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie. J'ai de la chance peut-être. Le bonheur pour moi, c'est le partage. J'étais pas vraiment d'une famille aisée. On n'avait rien, mais on était vraiment, vraiment heureux. On partageait tout avec les frères, avec les cousins, les cousines, etc. Et le fait d'être ensemble, comme on est ensemble actuellement, je pense que ça, c'est le bonheur. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de se rendre que voilà, se taire un bon moment et se dire qu'on est heureux là. Là, le fait qu'on est assis ici, qu'on a toutes nos forces, nos pieds, nos mains, notre capacité mentale et qu'il y a ce bon soleil, je pense que ça, c'est le bonheur, quoi. Il faut profiter. C'est tout. Merci. Merci. Alors, qui est-ce qui veut... Oh, peut-être encore une ou deux interventions et puis après, on va conclure. Est-ce qu'il y a encore une ou deux interventions? Non, bah sinon, on conclut tout de suite. Oui. Moi, je voulais rebondir enfin, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, la différence entre le bonheur et le plaisir. Donc, toujours d'après moi, je pense que le plaisir, en fait, commence et se finit dans l'instant. C'est-à-dire que, bon, on fait l'amour avec quelqu'un, bon, une fois que c'est fini, bon, ben voilà, c'est... on a pris beaucoup de plaisir et c'est super, mais c'est très différent du bonheur. Pareil quand on boit un verre ou pareil quand on boit un verre ou je sais pas pour certains fume un pétard, j'en sais rien ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est on le prend et après on l'arrête. Enfin, ça s'arrête. Alors que la différence, le bonheur, c'est plus une construction, c'est plus je sais pas trop comment l'expliquer, mais plus plusieurs instants de plaisir mis bout à bout, mais plus ça rejoint ce que, enfin j'ai l'impression que c'est plus relié à où ce qu'on peut vivre dans l'instant ou ce qu'on va vivre demain, quoi. Mais voilà, enfin moi j'y vois une différence. J'arrive pas à expliquer exactement ce que je veux dire, mais bon, tant pis. Merci quand même. Est-ce que pour la dernière intervention, quelqu'un veut essayer de préciser ce qu'il voulait dire ou autre chose? En fait, le plaisir et le bonheur est lié. Pourquoi? Parce que le bonheur, on est content. Ça commence par le bon. Bon, or. Et le plaisir, on va peut-être, je donne un exemple, peut-être à Pouvette, Chavita. Je vais avec ma copine, on achète un canapé, il y a du plaisir. Voilà. Et c'est un bonheur pour elle et un bonheur pour moi. Voilà. Donc je pense que le bonheur et le plaisir sont liés. Il n'y a pas après ce qui va peut-être faire une contradiction, j'aimerais bien, mais je pense que c'est super lié. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de bonheur. Bon, eh bien, merci. Donc là, encore une fois, c'est frustrant parce qu'on va être obligé de s'arrêter. Mais c'est ça aussi qui fait le charme d'un atelier philo. Et c'est ça qui fait qu'on éprouve cette jubilation à penser ensemble. Parce que vous allez voir que vous allez partir d'ici et vous allez continuer à y réfléchir. Et quand vous allez vous coucher ce soir, sûrement, vous penserez « Ah tiens, j'aurais pu dire ça. Ah tiens, le monsieur qui a dit ça, bah tiens, j'aurais pu continuer par ça. » Et puis quand vous allez vous réveiller demain matin, bah, vous allez vous dire « Ah bah oui, tiens, c'est vrai, le bonheur, tiens, c'est peut-être bien ça. » Et puis, c'est ça qui est fantastique et jubilatoire dans les ateliers philo. Dans les cafés philo, dans tous les endroits où on peut se réunir, partager la pensée. Et surtout, ne pas mépriser la pensée de l'autre. Ne pas dire, parce que moi j'ai des diplômes, parce que moi j'ai bac plus 5, je vais mépriser la pensée de celui qui n'a même pas le bac. Ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On ne veut plus de cette philosophie élitiste. On veut des prises de parole partagées. On veut une construction de la pensée communautaire. Voilà, donc c'est Philolab, c'est les 10 ans de Philolab et on vous remercie. Et je crois qu'on a bien fêté cet anniversaire. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Et retrouvez-nous donc sur le site de Philolab et sur les pages Facebook de Philolab. Voilà, au revoir, merci à tous.